Yes, yes, yes. Cholo loco bande d'enfoirés. Crone, la ville morte. Yeah. Ok, je veux plus les entendre parler. Bon qu'à faire le sourd. En batterie faible, matrixé à faire des sous éternellement insatisfaits. De toute façon rien ne bouge et je peine à m'y faire. L'ancien chial au-dessus d'un verre de rouge à la même place qu'hier. Rien ne change, la boucle se répète. Enfoiré, faut que je fasse les bails en vive. Un jour je serai dead. Si t'as pas les dents, tu ne bouffes que les restes. Je salirai pas ma paire en piétinant la bouche de ces traîtres, non. Le temps passe et nos cœurs s'abîment de plus en plus. Loin de l'époque où je m'éloignais de ma ville de plus en plus. Quand je voulais pimenter ma Yves en jouant le funambule. Le pire c'est que je m'en rappellerai sûrement plus. Ah, puta madre, la corde est raide, je me demande si ça vaut le coup d'y marcher. Moi je suis déjà sur le souci d'après. L'espoir peut tuer un homme, ne l'oublie jamais. Les démons se frottent les mains pendant que les tipeurs produisent nos pires erreurs. Plus rien ne m'étonne, plus rien. Souvent la figure sainte a plus de fils que Mick Jagger. Hein? Les démons se frottent les mains pendant que les tipeurs produisent nos pires erreurs. Plus rien ne m'étonne, plus rien. Souvent la figure sainte a plus de fils que Mick Jagger. Vas-y, laisse tourner, laisse tourner. Elle est loin l'époque du 3 bar passe. Sors pas sans tes couilles ni sans ta part de violence. Si le chat noir passe devant mes roues, je tournerai à le volant. Je vois le schéma se répéter depuis v'là longtemps. J'suis pas content, j'dis que la vérité, j'ouvre la voix qu'on prend. La nuit j'fais des rêves, mais j'ai pas le montant. Comme quand j'prenais mon smic dans le BTP en rêvant d'abondance. C'est toujours la même story, je vois que des profiteurs. On marche sous une averse horrible, en short t-shirt. Il serait temps d'innover, je vais pas épiloguer, c'est promis. Je fais serrer les tilotés juste avant de piloter le bolide. Si tu prends exemple sur nos actes, faudra l'assumer. Je n'ai pas su mettre de côté ma rage, rien ne pourra me rassurer. J'ai tout du gras suspect, je suis le renard dans le poulailler. Je rentre dans le ring comme Cassius Clay, rien que ça crie sur le boumailler. En fourraillé, je m'apprête à tout grailler. Je ne suis pas celui que vous croyez, me serais-je fourvoyé? Huh.